Bonjour. Bonjour, madame. Tu t'appelles comment? Pierre-Charles Franklin. Et tu viens d'où? Pardon? De dónde vienes? Je venais à Équateur. Équateur. Donde naciste? Tu es né où? Pardon? Donde naciste? Haïtiana. Haïtiana. ¿Cuánto tiempo en el Ecuador? Pardon? Combien de temps tu es ici, en Équateur? 2 mois et demi. 2 mois et demi. Oui. Et tu te débrouilles? Tu parles français? Tu parles espagnol? Comment tu fais? No habla espagnol, créole. Y eres tú con tu familia? Toi et ta famille, vous êtes tous ici? Non. Toute famille m'aïti oye. Et là? Haïti. Haïti. Et qu'est-ce que tu vends? Tu vends cocoyer. Cocoyer. Cocoyer, c'est quelque chose d'Haïti ou c'est quelque chose de l'Équateur? Quelque chose d'Haïti, cocoyer. C'est d'Haïti, cocoyer. Cocoyer, Haïti. Tu le fais comment? Cocoyer, mettez sic. Comment tu le fais? Mettez de l'eau, mettez sic et mettez un blend de cocoyer. Bueno, ella prepara su coco blé, que es un plato tradicional de Haití y lo vende en el mercado de San Roque. Está 2 meses y medio aquí en el Ecuador y aprendiendo a hablar francés, no, él habla creol y aprendiendo a hablar español. Muchas gracias. Gracias. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Soy el plaisir.